Buzz Radio d'onde CKRL. Bonjour, c'est Michel Monnette à l'appareil et vous écoutez l'émission Les Oreilles ailleurs au cours de la prochaine heure. Le Mexique est un pays aux multiples facettes musicales qu'on va à peine effleurer aujourd'hui. On dit qu'il s'y parlerait, en fait j'ai lu qu'il s'y parlerait près de 290 langues autochtones. Par contre, 90% des Mexicains, c'est une population fortement métissée, ont l'espagnol comme langue maternelle. C'est le plus grand des États hispanophones avec plus de 122 millions d'habitants et 36% des hispanophones du monde. Ce que vous venez d'entendre, c'est Euphonia, c'est un prélude à un album qu'elle a sorti en 2010. C'est de Didioc. C'est une DJ de Mexico qui a un curriculum assez impressionnant. Elle a fait des études en ingénierie du son et en psychoacoustique. Mais en parallèle, elle étudie la médecine. Elle étudie toujours la médecine bionaturelle et les dimensions thérapeutiques de la métaphysique. Je crois comprendre qu'elle s'inspire de pratiques chamaniques aztèques. On va l'entendre dans une autre pièce à la fin de cette première demi-heure, mais auparavant, je vais vous présenter une chanteuse populaire classée dans le courant alternatif, Carla Morrison. Tout comme Didioc, c'est en passant son nom, c'est Didi Tiajdoac. Elle est basée à Mexico. Elle demeure à Mexico. Elle a remporté deux Grammys latins, c'est le Latin Academy of Recording Arts and Sciences, pour son album Hasta la Raíz, qui est aussi le titre de la chanson qu'on va entendre. Mais avant d'entendre Carla Morrison, je vais vous faire écouter Quiero Club. C'est un groupe emblématique de l'indie mexicain, fondé en 2004 à Monterrey, et qui sont aussi basés à Mexico, comme beaucoup de musiciens au Mexique d'ailleurs. Disons, par comparaison, songeons à ce qu'est Montréal pour le reste du Québec dans le domaine de la chanson. Ça vous donne une idée. On va les entendre dans Hablar de Mas. Le chanteur claviériste du groupe, Marcela Viejo, a dit de cette chanson qu'elle est la plus nostalgico-religieuse de leur ballade. Elle est inspirée d'une pièce de théâtre surréaliste et métaphorique de l'écrivain mexicain qui est aussi narrateur, réalisateur de cinéma, journaliste, traducteur et dramaturge. José Augustin. La pièce s'intitule Abolición de la propriedad. C'est une pièce qui a été pièce de théâtre qui a été créée en 1969. En 2012, elle a fait l'objet d'un film du même nom par le réalisateur Jesús Magaña Vázquez. La chanson est sur la bande sonore du film. No piensas más, mis presentimientos ya no saben dónde vas. Es definitivo, este es un motivo disposición. Tu expresión me tiene sin preocupación. ¿Qué no has aprendido a tratar conmigo? Petit changement au programme, c'est plutôt la chanson Apague mi mente qu'on va entendre de Carla Morrison. C'est tiré de l'album Djemé Lolar. Lorar, pardon. Buscándole sentido al mundo. cosas que no lograba comprender. Encendí mi alma y apagué mi mente. Tuve que volar lejos, el sol ya no alumbraba mi esplendor. Las cosas parecían raras, la rutina se convirtió en confusión y en dolor. Tuve que aprender a sostener mis palabras, aunque fuera en un papel. Cosas que no lograba comprender cuidaron mi alma y volví a renacer. Tuve que volar muy lejos, el sol ya no alumbraba mi esplendor. Las cosas parecían raras, la rutina se convirtió en función y en amor. Tuve que volar muy lejos, el sol ya no alumbraba mi esplendor. C'était Carla Morrison dans Apague Mi Mente. Les prochains artistes qu'on va entendre, c'est Leon Larregui, précédé de Vanessa Zamora. Leon Larregui, c'est le chanteur d'un réputé groupe alternatif de rock néo-psychédélique qui s'appelle Zoé, un groupe mexicain, il va de soi. Il a voulu explorer un aspect musical différent en sortant un album solo, l'album Solstice, en 2012. Comme il le dit dans une entrevue, dont je vais vous mettre le lien sur le blog de l'émission lesoreillesailleurs.net, c'est peut-être le fait de vieillir qui l'a amené à faire ce choix, qui le rapproche davantage de ses influences personnelles. Et parmi ses influences personnelles, il y a un certain Serge Gainsbourg. On va écouter la chanson Brillas de lui, mais après avoir écouté Vanessa Zamora, c'est une toute nouvelle chanteuse sur la scène mexicaine. Elle est du même label indépendant que Carla Morrison qu'on vient d'entendre. Quand on lui a demandé, alors qu'elle était en tournée aux États-Unis, si le fait de chanter devant un auditoire qui ne comprend pas les paroles lui posait problème, elle a répondu « pas du tout ». Elle-même écoute des chansons en français sans nécessairement comprendre le sens des paroles. Je vais la citer, ça vaut la peine. Je vais la citer parce que c'est une entrevue qu'elle donnait en anglais aux États-Unis. I think that's what is cool about music. It's a language everyone can understand. I think, ultimately, the music reaches you no matter what the language. There's a lot of people who listen to music in English that don't understand it. C'est d'ailleurs ce que je dis souvent aux gens qui me disent « Oui, mais vous écoutez plein de musique dans toutes sortes de langues. Comprenez rien à ce que vous entendez, à ce que les chanteurs disent. » C'est vrai, mais comme elle le dit si bien, la musique nous rejoint, peu importe le langage, ultimement. On l'écoute dans Para Siempre. Paracaídas, quiero caer directo a tus rodillas para así saber lo que va a suceder aquí, en este lugar donde nos conocimos, tantos momentos que vivimos pensando que todo iba a para siempre, yeah, yeah, yeah, yeah. Quiero saber lo que te molesta para tener la mejor respuesta y así hacerte entender lo que pasará. En esta ciudad que hicimos nuestra, donde perdimos la cabeza, diciendo que esto iba a durar para siempre. Todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Y nos damos todo lo que se nos da, nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios, oh, brillas y brillas tan lindo, y brillamos juntos entre pestañas. Divina, divina sonrisa, abrazo de luna. Y así, lo que se nos dio. y así, juntito a los dos, y así, lo que se nos da. Léon Larregui dans la chanson Brillas était précédé de Vanessa Zamora dans Para Siempre. Comme je l'avais annoncé en début d'émission, on complète cette première partie avec une pièce de Didioc, Didi Tlajtoaki, son nom. La pièce s'intitule Discernimiento. Las nubes y veo.

grandes logros, grandes actos y todo para qué. Si yo me quedo en soledad y sin tu querer, fue la distancia lo que mató el amanecer. Michel Monnette avec vous pour cette deuxième demi-heure de l'émission Les Oreilles ailleurs. On vient d'entendre le groupe Hello Sea Horse dans la chanson Tristesse. La voix qu'on a entendue, c'est celle de Denise Gutierrez, Lo Blondo, dont on dit qu'elle mène ses troupes tel un général. Quoi qu'il en soit, elle a une voix de soprano dont elle sait se servir, n'est-ce pas? Elle a aussi d'autres talents, dont celui de la photo et l'illustration aussi, comme le démontre son site Fantasma en Casa. Je vais mettre un lien vers ce site sur le blog de l'émission lesoreillesailleurs.net un peu plus tard, probablement vers 17h, quelque chose comme ça. Le prochain groupe puise ses inspirations dans le folklore et aborde des thèmes liés à la nature et à l'environnement. C'est un groupe qui s'appelle Sonex. Je dis le prochain groupe, mais auparavant, on va en entendre un autre qui s'appelle URSS Badjo et Arbol. Revenons à Sonex. En 2009, une de leurs chansons a été primée par le National Geographic Channel dans un concours lié à la Journée de la Terre. C'est samedi prochain, en passant à la Journée de la Terre. Je crois que c'est, je ne me rappelle plus si c'est vers, à 20 heures, je crois que c'est ça, à 20 heures, il faut fermer toutes les lumières à la maison. Moi, je le fais chaque année, c'est toujours intéressant. On va être ici en passant dans les studios, dans les locaux de CKRL sur la 3e avenue, parce que c'est aussi en fin de semaine prochaine le Radioton de CKRL, et ça me fait toujours plaisir de passer une bonne partie du week-end pour vous accueillir, vous dire bonjour, pour que vous puissiez voir qui nous sommes, nous les producteurs, les réalisateurs, mais aussi toute l'équipe de CKRL. Donc, pour en revenir à Sonex, c'est un mélange de sons indigènes de leur région. Ils proviennent de Xalapa, ça c'est aussi dans le Veracruz, situé dans l'est du Mexique, avec des rythmes africains, afro-péruviens, mais aussi du flamenco, de la salsa, du blues, du jazz, du funk, du rock, du reggae, même du hip-hop. Une joyeuse fusion des genres qui donne des albums fort agréables à écouter. Je vous suggère fortement de les écouter. En tout cas, moi, je les aime beaucoup. Mais avant d'entendre la chanson qui s'intitule « Sobretus Aguas », une chanson sur l'eau, ça tombe bien parce que c'est aujourd'hui la Journée mondiale de l'eau. La Journée mondiale de l'eau en ce 22 mars, la Journée de la Terre la semaine prochaine, le 28 mars. Pensez-y en buvant votre prochain verre d'eau. Un être humain sur six n'a pas accès à l'eau potable. C'est beaucoup, n'est-ce pas? On va d'abord entendre, avant d'entendre Sobretus Aguas, on va entendre Lineas Mentales du groupe URSS Banjo et Arbol. C'est un des meilleurs groupes de la scène alternative mexicain. Il est né en 2009. La pièce s'intitule Lineas Mentales. Elle est sortie en 2011. Thank you. quiero que nunca pare de llover. Moja el suelo, lluvia temprana. Quiero ver la tierra florecer con el sol que alumbra en la mañana. Quiero ver la tierra florecer. Me no quiero que nunca pare de llover. Moja el suelo, lluvia temprana. Quiero ver la tierra florecer con el sol que alumbre en la mañana. Quiero ver la tierra florecer. Mecerme en tu mar con mi piragua. Ahí de tu caudal quiero beber. Mojarme en la fuente de tus aguas. Sonex dans Sobretos Aguas. Comment se porte votre eau? Imaginez un Johnny Cash combiné à un Bob Dylan, mais qui aurait grandi au nord du Mexique. Ça donne celui qu'on va entendre dans les prochaines chansons. Juan Cirerol, il a débuté dans divers groupes punk après avoir étudié la guitare classique, puis il a bifurqué vers ce qu'on pourrait qualifier de country punk. Je suis tombé sous le charme de son dernier album paru cette année, Toro Fine. Voici Piso de Piedra. Ça sera suivi de Mi Empiezo a Enamorar. Thank you. quisiera cantar una triste canción, pero no puedo, mi amor, porque estoy muy feliz junto a ti. Quisiera ir a una party bien chila, pero no tengo dinero como quisiera tener una Cherokee. Quisiera que me mataran donde ya piso de piedra, para vivirlo a mi manera, para vivir junto a ti, que estás muerta. Quisiera que no se acabe la piedra. Thank you. beso y siento que me empiezo a enamorar. Juan Cirerol, Mi empiezo a enamorar. On s'en va tranquillement, pas vite vers la fin de l'émission. Et par la suite, c'est Topic du Capricorne avec Michel Bonaparte. Moi, je vous dis qu'on va se revoir dans deux semaines, puisque la fin de semaine prochaine, c'est le Radioton de CKRL. Donc, on s'en va tranquillement, pas vite vers la fin de l'émission, quand même plus vite que tranquillement, avec une pièce d'un passionné de hip-hop qui s'appelle Camilo Lara. Il a un projet qu'il a intitulé Mexican Institute of Sound. Il a sorti en 2012 un album Politico. Et ce qui lui a donné l'idée de sortir cet album, c'est un fait qui aurait pu lui être fatal. On a découvert à côté de chez lui une importante cache d'explosifs prête à détonner. C'est ça aussi le Mexique, n'est-ce pas? On va écouter Politico. À la semaine prochaine. Ah pardon, à dans deux semaines. Au revoir. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. C'est quand même curieux que depuis le temps qu'on essaye d'expliquer aux gens l'origine de l'homme, la nature de l'homme, faire un petit peu d'anthropologie, quoi. Eh bien, il y a encore de ces incompréhensions qui nous mènent à des dissensions. Michel Bonaparte anime Topic du Capricorne dans un instant. On parlera pas de l'opposition entre l'homme et la femme, parce qu'il y a du sexisme. Le Radioton de CKRL aura lieu du 27 au 29 mars prochain. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Procurez-vous votre carte de membre de 25 $ ou faites un don de 20 $ et plus avant le 27 mars 17h et courez la chance de gagner le prix pré-radioton de 150 $ de la boutique Le Pédalier et le prix spécial Membership de Sillon le Disquaire d'une valeur de 150 $. Pour renouveler votre carte de membre ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h ou par Internet avec le service sécurisé PayPal sur ckrl.qc.ca. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Le printemps arrive, c'est le temps de se réchauffer. Profitez de l'événement chaud devant du restaurant Le Graffiti Resto Cité. Un menu 5 services incluant un café flambé pour seulement 35 $. Un moment chaleureux à partager avec toute la famille et les amis pour vous faire oublier le froid. Stationnement à l'arrière. Visitez notre site Internet Le Graffiti et réservez au 418-529-4949. Pour commencer votre journée bien informée, écoutez les Matins éphémères du lundi au vendredi de 7h à 9h avec Caroline Stephenson. Les Matins éphémères sont une présentation de la boîte à pain Café Napoli. Des boulangers et des cuisiniers passionnés qui préparent chaque jour avec un plaisir renouvelé des pains artisanaux, des viennoiseries, des sandwichs et des pizzas de qualité supérieure. La boîte à pain Café Napoli, 396 3e Avenue Limoilou et le 289 Saint-Joseph-Est. Boiteapain.com. On peut vous aider à passer au travers. Broncosil aide toute votre famille dès l'âge de 6 ans à combattre la toux causée par le rhume et la bronchite. Broncosil, pour combattre la toux, un produit de santé naturel. Une nouvelle saison, un nouveau bazar.